le soleil se lève, moi je rentre me coucher. Quand le soleil se couche, moi je viens de me réveiller. Il y a quelque chose qui n'a pas collé. Je cherche, je réfléchis, je comprends pas ce qui m'arrive. Je recommence, je dérive. Quand le soleil se lève, moi je rentre me coucher. Quand là, il y a un truc là. Quand le soleil se couche, moi je viens de me réveiller. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et toi, viens ici, toi, écoute-moi une 5 minutes, je vais te raconter une histoire. Il y a un truc qui va pas, qui me complique la vie. Écoute. Quand le soleil se lève, moi je rentre me coucher. Il y a rien qui tienne là. Quand le soleil se couche, moi je viens de me réveiller. Attends, bouge pas, il faut que tu m'expliques là, j'en peux plus. Ah, t'as rien compris toi non plus? Ah ouais. Putain. Ça y est, j'ai trouvé. Je vis la nuit. Je suis un artiste. J'adore les lumières, j'adore la piste, oui. Eh oui. Et le soleil, lui. Bah, mais lui, c'est un artiste, mais lui. Il faut bien qu'il prenne la piste, con. Moi, je la lâche, donc il se lève le matin. Puis moi, je rentre chez moi, me coucher. Puis voilà, c'est ça, quoi. Mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a fallu des années pour comprendre cette histoire. Et toi, tu viens me raconter des trucs, mais là, mais j'ai rien compris. Bah, attends, attends. Écoute. Écoute le jouet, là. Écoute. Mais c'est ça, la nuit, mec. C'est ça, c'est là où je vis. Never. Quand le soleil se lève, moi je rentre me coucher.